Je marche et marche pour faire passer au travers des ondes pas mal trop profondes, de trop longues. Le poste d'écoute. Changeant d'univers, sans adresse, mes souvenirs se blessent. Des fils dans ma nuit, qui parfois encore m'amènent la nostalgie. Trop souvent, toujours en suivant mon est, je prends le courant. Je ferme les yeux, suivant le mouvement. Ce chemin-là, pour qu'on fasse sourire, pour qu'on fasse j'avale ces poussières d'ennui. Pourquoi ai-je autant eu besoin de partir de ce monde? Je t'en pleurais de toute l'ivresse face à mes désirs noyés, ces douces caresses oubliées. Pour de mémoire auxquelles j'étais bien plus qu'en vie, pour des raisons de dire non. Ce chemin-là, pour qu'on fasse sourire, pour qu'on fasse j'avale ces poussières d'ennui. Que la prochaine fois, peut-être, Nathalie Lucas avec Poussière d'ennui, précédée d'Illusion de rêve.

addiction. For all my insecurities, this is a minute from a very bad habit. Very bad past. Put some strain on the loving, strain on the loving. Really out of laughs. Breaking it down, breaking it down. Should I be doing it? And I'm breaking it down, down, down. Breaking it down, breaking it down. Should I be doing it? Is a crime of the heart. I know it couldn't and it shouldn't be right. Do my best, looking at things in a different way, a different light. I hope you see again faith in me again. I'm never gonna, ever gonna let you down. Know how to do it and I just have to believe that every time a situation comes around. Picking it down, picking it down. Should I be picking it up? Now I'm picking it down, down, down. Picking it down. Together again, no, it won't be the end of my intention to be a better man. Over all objective, it's a shift in my perspective and a lot of things are whenever I can. We can heal everything we talked about, everything we hope we find. When we get to this place, together we're strong again. Now we get along again, now my hands are in your face. Breaking it down, breaking it down. Should I be beating it up now? Breaking it down, down, down. Breaking it down. C'est fou dans vos oreilles.

Le poste d'écoute.

Le poste d'écoute. Rise, rise, rise.